Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin au début du chapitre 7 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, quel grand privilège nous avons de te connaître. En lisant l'Évangile de Marc, on voit dans les foules qui étaient toujours présentes, c'est seulement un petit reste qui comprend, seulement un petit reste qui saisit. Parce que tu leur expliques. Et nous faisons partie de ce petit reste, de cette minorité qui finalement va vivre avec toi pour l'éternité dans les cieux et les nouvelles terres. Donc Seigneur, encore ce matin, conduis-nous, dirige-nous, parle-nous, fais-nous goûter ta grandeur et ta grâce, et ta miséricorde envers tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Donc, jusqu'à date, on a vu quoi? Jean qui prêche que le royaume de Dieu est proche et appelle les gens à se repentir. Jésus vient par la suite, prêche que le royaume de Dieu est proche, invite les gens à se repentir et à croire la bonne nouvelle. Les disciples partent, prêchent que le royaume de Dieu est proche, appellent les gens à la repentance, eux autres aussi. Donc, il est clair que pour faire partie de ce royaume qui va s'établir, ce royaume de Dieu, ceux qui vont y rentrer, c'est ceux qui se repentent et ceux qui acceptent de vivre pour Dieu, pour sa gloire, pour son honneur et pour l'adorer et le louer. Mais on voit qu'en faisant cela, la pression des foules, la pression de la parenté, la pression des chefs religieux augmente. Et dès le chapitre 3, on décide parmi les chefs religieux de le faire mourir. Ensuite, on va le traiter de fou, on va le traiter de démoniaque, et ça l'augmente, et ça l'augmente, et ça l'augmente. Et encore dans le chapitre 7, on va voir augmenter cette colère contre Jésus-Christ. Parce qu'en même temps qu'il dénonce, il appelle les gens à venir se soumettre à Dieu son Père. Ce matin, c'est la même vérité, mais va être présentée un petit peu différemment, avec un sujet différent que le texte ici appelle la tradition. Et dans ce passage, Jésus va utiliser ce sujet dans leur vie pour démontrer qu'ils ne sont pas dans le royaume de Dieu et qu'ils ne veulent pas y entrer dans le royaume de Dieu. Nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 13. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme a dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. » Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Pour bien comprendre ce texte, il faut clarifier qu'est-ce que Jésus ou les anciens appellent la tradition. Dans notre culture à nous, dans notre génération, le mot tradition n'implique pas beaucoup de négatif. C'est même positif. La tradition. On se bat aujourd'hui pour garder les traditions des Québécois, les traditions des Autochtones. Mais ici, Jésus va s'adresser à ce sujet des traditions d'une façon négative et il va juger et condamner à cause de ce sujet. Donc, il nous faut bien comprendre le sujet dont il est question ici. Ici, on ne parle pas de coutumes, comment on mange, à quelle heure qu'on se couche, les traditions dans une famille, d'aller fêter, de fêter Noël, ou chaque été, une famille va aller en vacances ensemble. On parle pas de ces coutumes-là ou de ces traditions-là ici. Ici, le texte nous parle et nous décrit ce qu'il veut dire en le comparant avec un autre terme. D'abord, regardons le contenu de leur tradition dont le texte nous parle ici. Les Juifs avaient la coutume de se laver les mains bien comme il faut avant de prendre leur repas. Et il dit au verset 4, « Quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. » Donc, il y avait toute une cérémonie pour se laver en revenant du marché ou de la place publique. Et là, Jésus dit au verset 4, il dit, ils ont d'autres observances traditionnelles comme cela. Ils vont laver les coupes, laver les cruches, laver les vases de reins. Ils ont beaucoup de traditions, de coutumes qui Jésus va appeler plus loin. Au verset 7, préceptes. Commandement d'homme. Donc ici, ce n'est pas juste une coutume, c'est devenu des principes de vie et c'est devenu des commandements qu'il faut suivre. Et là, les pharisiens demandent à Jésus, pourquoi toi et tes disciples, vous ne suivez pas les traditions des anciens? Pourquoi vous ne faites pas cela? Pourquoi vous ne pratiquez pas les commandements d'hommes qu'on a mis en place, que les anciens ont mis en place? Pourquoi ne pratiquez-vous pas ou n'observez-vous pas les préceptes que les anciens ont mis en place? Et Jésus va leur dire pourquoi lui et ses disciples n'observent pas les traditions ou les commandements d'hommes ou les préceptes d'hommes que les anciens ont établi. Première chose qu'ils disent au verset 6, il dit que les commandements d'hommes ou les préceptes d'hommes qu'ils se sont donnés est une expression d'hypocrisie. Hypocrite, Jésus dit. Vous êtes des hypocrites. Parce qu'en observant vos commandements d'hommes et vos préceptes d'hommes, vos traditions des anciens, il dit, vous manifestez ce que Isaïe avait dit à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Jésus dit, en observant vos préceptes d'hommes, vos commandements d'hommes, vos traditions des anciens, vous manifestez de l'hypocrisie. Vous accomplissez ce que Isaïe avait prophétisé sur votre sujet. Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Vous dites que vous faites ça pour Dieu. Vous dites que vous faites ça pour être pur. Jésus dit, vous êtes des hypocrites. Pourquoi tu dis ça, Jésus? Il me semble de lever la foi, mais hey! Pourquoi tu dis ça, là? Est-ce que tu nous traites, nous et les anciens, d'hypocrites? Bien oui, c'est ça que Jésus vient de faire. Pourquoi Jésus dit-il cela? Il dit au verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer vos traditions. Donc, il dit, vous avez élevé vos traditions, vos commandements, vos préceptes au-dessus des commandements de Dieu, au-dessus des enseignements que Dieu avait donnés dans la loi par Moïse. Vous êtes des hypocrites. Vous dites que vous faites ça pour Dieu. Vous voulez démontrer votre piété envers Dieu quand vous avez mis de côté, vous avez abandonné les commandements que Dieu vous avait donnés pour observer des commandements d'hommes. Il répète la même vérité au verset 9. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Donc, il dit, quand vous avez le choix, vous rejetez facilement le commandement de Dieu pour pouvoir garder votre tradition, vos commandements d'hommes, vos traditions d'anciens, que vous avez mis à la place. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous vous mettez au-dessus de Dieu. Quand l'être humain met de côté, abandonne, rejette les commandements de Dieu pour suivre les commandements que lui a établis, il se met au-dessus de Dieu. Donc, ça devient un blasphémateur, un injurieur, un idolâtre, il s'adore lui-même. Il s'élève au-dessus de Dieu en mettant ses propres commandements au-dessus de ceux de Dieu. Et là, il leur donne un exemple au verset 10. Un exemple de ce qu'ils font. Il dit, il y a un commandement qui dit dans la Bible, Moïse a dit dans le Pentateuque, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc, il y avait un commandement. Les enfants devaient prendre soin, devaient honorer leurs parents, prendre soin de leurs parents pendant qu'ils étaient vivants. Et le mot maudire, ça veut dire qu'ils se levaient, ils se mettaient face à leurs parents, puis ils maudissaient. Mais ils les mettaient de côté. Ils s'en occupaient pas. C'est la façon de les maudire. On les met de côté, on s'en occupe plus. Pour observer un commandement d'homme, un précepte d'homme. Mais, au verset 11, mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, qui veut dire en offrande à Dieu. Je peux pas vraiment m'occuper de toi, papa, maman. Je peux pas vraiment vous bâtir un petit logement autour de moi. Je ne peux pas m'occuper de vous parce que ce que l'argent que j'aurais eu pour vous, je l'ai donné en offrande à Dieu. Et au verset 12, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Vous obligez vos disciples à abandonner leurs parents, à maudire leurs parents pour observer vos propres commandements d'homme, vos propres préceptes d'homme. Et il dit au verset 13, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, par vos commandements, par vos préceptes que vous avez établis. Et il dit, vous en avez bien d'autres semblables. Vous en faites un paquet d'affaires comme cela. Ou est-ce que vous avez enlevé la parole de Dieu? Vous avez rejeter la parole de Dieu. Vous avez laissé la parole de Dieu en arrière. Vous avez annulé la parole de Dieu par vos traditions, par vos commandements et par vos préceptes. Et ce que vous utilisez pour vous justifier, vous regardez, non pas si vous faites ce que Dieu a demandé, mais si vous observez votre tradition, vos commandements. Et comment vous faites pour juger les autres? Vous regardez les autres, comme mes disciples, comme moi. Si nous, on observe votre tradition, Là, si on n'observe pas, vous nous condamnez. Donc, vous vous êtes fait une loi à vous. Vous êtes sorti de sous la direction de Dieu. Vous êtes sorti du royaume de Dieu. Et vous avez commencé votre petite affaire à vous, votre petite religion. Et Jésus dit, c'est pour ça que mes disciples et moi, on n'observe pas vos préceptes. Nous, on observe les commandements de Dieu. Attention, ici, le texte s'adresse à des gens qui ne sont pas croyants, hein, et qui, à cause de leur décision de rejeter les commandements de Dieu, d'annuler les commandements de Dieu, de remplacer les commandements de Dieu, et qu'ils condamnent Jésus-Christ et les disciples par leurs commandements, ne pourront jamais entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi pas? Tant qu'ils vont garder cette attitude-là, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. S'ils veulent rentrer dans le royaume de Dieu, il va falloir qu'ils fassent comme Paul. Quand Paul parle dans Philippiens, au chapitre 3, au verset 4, il dit ceci. « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le suis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquelles j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » S'ils veulent faire partie du royaume, il va falloir qu'ils regardent leurs commandements, leurs préceptes, leur accomplissement comme de la boue. Et se tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ, pour faire partie du royaume de Dieu. Il va falloir qu'ils se repentent et croient à la bonne nouvelle que le royaume de Dieu est arrivé en Jésus-Christ. Donc, Jésus n'est pas contre les coutumes qu'on pourrait avoir dans notre vie. Mais ici, il condamne des hommes pour avoir établi leurs propres règles, leurs propres commandements, leurs propres préceptes au-dessus de ceux de Dieu, démontrant ainsi qu'ils sont rebelles à Dieu, qu'ils ne sont pas dans le royaume de Dieu, qu'ils ne se soumettent pas à Dieu, et Jésus les traite d'hypocrites, comme beaucoup de mouvements religieux dans le monde ont établi leurs propres règles, leurs propres commandements, un peu comme quand on était catholique. Il y avait les 10 commandements de Dieu, mais il y avait aux côtés les 7 commandements de l'Église qui étaient devenus plus importants que les 10 commandements de Dieu et qui même contredisaient, si on les étudie bien, les commandements de Dieu. Même vérité. Donc, que le Seigneur nous donne de bien comprendre que jamais on doit mettre un précepte quelconque au-dessus de ce que Dieu a enseigné. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous avertis ici, dans ce texte. Tu avertis la race humaine. Ne mettez pas vos traditions, vos commandements, vos préceptes au-dessus de ceux de Dieu. Car si vous faites cela, vous êtes des hypocrites et vous êtes condamnables au plus haut point par Dieu, parce que vous êtes des blasphémateurs et des idolâtres. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.